Analyse du 12 septembre 2022, Thierry Pirlo, Sherpa One. Puce RFID vs nanopuce RFID. Un booster Covid pour mettre à jour votre immunité qui se dégrade inéluctablement tous les 3 mois? Quand les complotistes parlaient, il y a 2 ans, de mise à jour pour les vaccins tout comme pour Windows, on se faisait exploser la tronche par le troupeau bien pensant. Raillerie, moquerie composaient notre quotidien surface de bouc. Espérons que les triples injectés n'aient pas besoin à terme de cette mise à jour pour tout simplement survivre. Parlons de ce grand tour de magie. En effet, la puce RFID, censée nous être placée sous la peau de la main, devait être la connexion avec l'IA, intelligence artificielle, et de facto la marque de la bête de l'événement annoncé par les 3 livres. Cette puce RFID, de la taille d'un grain de riz, était en réalité un leurre pour les complotistes, et ce leurre a en fait très bien fonctionné durant plus de 20 ans, puisque la population n'y a jamais adhéré, grâce aux lanceurs d'alerte. Cependant, le génie de l'histoire est tel le lapin blanc que l'on pense voir sortir de la manche gauche du magicien, alors qu'il sort de sa manche droite. En effet, pendant que cette puce RFID détournait notre attention, les bergers mettaient au point une arme fatale bien plus redoutable. Dès 2021, il nous injectait dans une seule seringue l'ensemble du matériel pour que cette nanopuce RFID puisse s'assembler d'elle-même, le graphène supraconducteur utilisant l'électricité du corps, et qu'elle pénètre dans le cerveau des vaccinés. L'objectif ultime étant une prise de contrôle mental du troupeau via la 5G des objets connectés. Pas belle la vie ? Faire de chaque mouton un objet connecté, à l'instar de son GSM ou de sa Smart TV, dont il ne sait plus se passer. Ces injections ARNM ont probablement débuté bien avant le Covid, vers 2018, avec les vaccins de la grippe pour nos anciens. Ceci expliquerait l'hécatombe de vieux à Wuhan, fin 2019, première ville entièrement connectée à la 5G. L'absence de 5G dans nos pays jusqu'il y a peu, pour déclencher le processus, nous empêchait de comprendre le pourquoi et de deviner la composition de ces cocktails injectés avant 2021. La marque de la bête s'est donc introduite à l'insu du plein gré du troupeau grâce à une magistrale psyop. Ainsi, l'IA pourra déterminer à terme qui, du plus faible au moins rentable, devra rejoindre son créateur, qui sera tout simplement malade et remplira les caisses de Big Pharma, et qui aura le droit de vivre comme esclave du système, en bonne santé, si on peut dire. Cette psyop n'était possible qu'en Occident et dans les pays riches, où la plupart des gens individualistes sont plus préoccupés par leur matérialisme à la con, leur motivation à amasser le plus d'argent possible et leur priorité à planifier des vacances pour se reposer de cette existence sans consistance. Possible aussi, grâce aux péchés d'orgueil et de luxure, sans lesquels les bergers n'auraient pu obtenir si facilement le consentement du troupeau qui préfère obéir aveuglément plutôt que de perdre ses misérables acquis. Et oui, ça fait mal, mais c'est un fait qui se confirme malheureusement et qui devrait nous encourager à refuser toute proposition d'injection, à nous réinventer et à nous informer correctement. Car, bien sûr, actuellement, le troupeau pense que tout ce qu'il ne comprend pas est forcément de la science-fiction. Dites-vous que maintenant précisément, votre accès à la connaissance sur les technologies disponibles est limité à 0,01% par rapport à ce que les bergers utilisent réellement. Ces 0,01% sont aussi ridicules que les 0,01% de décès Covid dans le monde, car ils concernent des personnes de plus de 80 ans avec comorbidité. Notre ignorance est leur plus grand atout, et notre connaissance leur seule et unique peur. Il est donc temps de réfléchir sérieusement. Même ce qui est fait, car ils ont aussi injecté beaucoup de placebos pour leurs études à l'échelle de la planète. Si les adultes n'ont pas été capables de se protéger de ces attaques contre les peuples, pour des raisons qui les concernent, leur responsabilité de parents est maintenant de protéger leurs enfants. La vaccination ne sera jamais obligatoire, mais ils vont mettre la pression dans les écoles. Et le risque le plus important pour les jeunes enfants est une stérilisation de masse, le moyen pour eux d'atteindre leurs objectifs de dépopulation mondiale avant celui de la régulation du climat, qui est la carotte suivante. À bon entendeur, cher Pawad.